Alors maintenant, je voudrais qu'on voit un autre exemple avec « during ». Mais avant ça, il nous faut revenir un peu sur une caractéristique importante de l'anglais. Nous avions déjà pu constater avec un exemple tel que « nobody would be hungry » qu'à l'inverse du français, où l'on emploie « personne » suivi de « ne », donc « personne n'aurait faim », en anglais, on n'emploie pas de double négation. Donc, dans ces cas-là, on dit simplement « personne aurait faim ». Donc, la négation est déjà contenue dans le mot « nobody », « personne ». Alors, est-ce que vous pourriez reprendre cette phrase en anglais « personne n'aurait faim » ? Nobody would be hungry. Nobody would be hungry. Mot à mot, personne aurait faim. Alors de la même manière, comme Michel Thomas le faisait souvent observer dans ses méthodes, il y a deux manières de dire « je ne comprends rien » en anglais. On peut dire « I understand nothing », littéralement « je comprends rien ». Donc là, la négation est indiquée grâce à « nothing », rien. Ou « I don't understand anything », je ne comprends quelque chose. Auquel cas, la négation est indiquée avec le verbe « I don't understand ». Il n'y a pas de double négation comme « ne rien » en français, et donc si on emploie « don't », on ne va pas employer après un autre mot négatif tel que « nothing ». On dit donc « I understand nothing » ou « I don't understand anything ». Et de la même manière, sachant que la forme du passé de « to understand » est « understood », « U-N-D-E-R-S-T-2-O-D », « je n'ai rien compris » peut se traduire « I didn't » understand anything. I didn't understand anything. Anything. Ou bien, I understood. Nothing. I understood nothing. Bien, alors vous connaissez le verbe to meet, M-E-T, et de là vient le mot meeting, un mot employé en français que vous connaissez bien et qui désigne une réunion de travail. Alors, comment dit-on je n'ai rien compris pendant la réunion? La réunion est terminée, donc il faut employer le passé. I understood nothing during the meeting. I understood nothing during the meeting. Ou bien I didn't understand anything during the meeting. OK. Veillez donc à ne pas employer de double négation. I didn't understand anything during the meeting. Bon. Donc, « I understood nothing » ou « didn't understand anything ». Bien, alors vous connaissez le verbe « to stay » dans le sens de « rester ». Eh bien, « to stay » est également employé dans le sens de « séjourner ». Et voilà une nouvelle offre deux en un. Un séjour, c'est « a stay ». Alors, comment direz-vous en employant le passé ? « Je les ai rencontrés pendant mon séjour à Amsterdam ».« In Amsterdam ». I met them during my stay in Amsterdam. I met them during my stay in Amsterdam. Mais si on veut parler d'une durée, comme 5 minutes ou 10 ans, on va devoir employer for. Par exemple, il a vécu à Amsterdam pendant 10 ans. He lived in Amsterdam for 10 years. Alors, sachant que heure se dit hour, H-O-U-R, comment dira-t-on hier, j'ai regardé la télévision pendant 2 heures. Yesterday, I watched television for 2 hours. Yesterday, I watched television for 2 hours. D'accord. Et sachant que longtemps, c'est a long time, en 3 mots, a long time, comment direz-vous en parlant d'un homme, je ne l'ai pas vu pendant longtemps? Alors, vous ne le voyez pas à présent, donc employer le passé. Alors, je ne l'ai pas vu pendant longtemps. I didn't see him for a long time. I didn't see him for a long time. Je ne l'ai pas vu pendant longtemps. Donc là, vous parlez bien du passé. Mais si maintenant vous voulez dire je ne l'ai pas vu depuis longtemps, en d'autres termes, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, vous parlez en partant du présent. Alors, il vous faudra employer la forme du passé avec « to have » suivi de « seen ». Donc, « seen » dérivé du verbe « to see »,« seen »,« S-2-E-N. Alors, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. I haven't seen him for a long time. I haven't seen him for a long time. Donc ici, on parle d'une durée qui s'étend du présent jusqu'au moment du passé où vous l'avez vu pour la dernière fois. Et de la même manière, comment dira-t-on « j'ai attendu pendant une heure » An hour. I waited for an hour. I waited for an hour.